Hallelujah. Mr. Take One, ici c'est Danny Piana avec Midlane et Ariana. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Ça c'est pour le King, voici la vraie bénédiction. Sentier de la justice à cause de son nom. Hallelujah.